39, activation dictée, verbe réfléchi et non réfléchi. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage deux fois. 1. Arrête, tu m'ennuies. 2. Je m'ennuie. Il n'y a rien à faire.